Dossier 3, livre page 29. Samedi, le 15 novembre, c'est mon anniversaire. Chouette! Tu viens à la fête? Oui, bien sûr. Ça commence à quelle heure? À 5 heures.